Un œuf sous tant de regards bleus du mal, hélas, emporte ma drôle de vie dans un claquement de flots glacés. Un rêve si tant et si peu à la fois, chaque fois j'y laisse aussi mais reprends un morceau de moi. Un rêve si quand je laisse venir à ma langue le goût de vie, un naufrage là comme un sucre dans un café. Un rêve si lent comme le courant qui passe ici, un rêve si long comme une nuit, passer tout seul. Un rêve c'est en douleur, un rêve c'est sain, et je m'aimais. Regarde le lit du marais, là, s'emporte ma drôle de vie dans un claquement de flots glacés. Un rêve si long comme le courant qui passe ici, un rêve si long comme une nuit, passer tout seul.